parle de mort. Faut que tu saches que le n'a rien à peur. Je me casse les yeux que devant mon père. Il me regarde et pense que j'ai changé. Mais mes jambes tremblent toujours quand je vois des perles. J'arrive et je suis bien préparé, c'est les mamies trafiquants qui envoient des boîtes dans tout Paris. Frérot, on fait pas semblant, j'achète la dernière Bulgarie sans bouteille le jour de l'an. Attends, y'a mon équipe qui arrive, oh oui mon Dieu j'ai souffert. Aujourd'hui je peux me venger, t'sais qu'il faut un 6 pieds sous terre. Il sera trop tard pour me changer, faut avoir de l'ambition. Chez nous le bif se fait tôt, arrête de faire le mec, t'es débordé avec un verre d'eau. Avec un verre d'eau, en effet je t'ai niqué ta mère, je te vois plus dans le rétro. Regardez les statistiques chez les juges, personne n'est content. On prend tes balistiques, il n'y aura rien pour tous ces pantins. Bande de salopes, les vrais de la rue, moi qui les représente. Salope, fini les bagarres, fini les descentes. Salope, salope, faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, mais le check a monté. Bande de salopes. Je vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope. La rue m'a pris mon cœur, niqué ma jeunesse. Salope, salope. Dans les enfers, j'ai ma place en attente. Bande de salope. En attendant, faut qu'on parte de la tête. Ils ont trouvé la DNA dans la texte. Faut que je fasse mes affaires, que je me casse. Un calibre 40 dans la veste. Faut une grosse charrette, la même que j'arrive. Bébé, je suis dans la banque, une cape et j'arrive. Nique ta grand-mère, je m'en fous si ça rime. Faut tout niquer, comme les Fessari. Bonne qualité, avoir un compte comme celui d'Alidé. Tous les mecs qui se font fumer. Comme tu baveux, c'est qu'une modalité. Mentalité, très solide et bien organisé. Faut que t'arrêtes de faire le beau. T'es qu'une salope, vont t'amuser. Tout l'hiver en cellule, j'fume du shit, il va falloir que mes rails ramènent à 100 grammes. Et ma bouteille au prochain parloir, j'vois qu'en face ils se mettent à douter. J't'avais dit que j'allais m'écouter, tant qu'ils croyaient manger dans le rap, t'auras que ma bite à goûter. Oh, bande de salopes, les vrais de la rue, moi qui les représente. Salope, fini les bagarres, fini les descentes. Salope, salope, faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, mais le truc a monté. Je vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope. La rue m'a pris mon cœur, niqué ma jeunesse. Salope, salope. Dans les enfers, j'ai ma place en attente. Bande de salope. En attendant, faut qu'on parle de la tête. As-tu pensé à nos thunes, Robert? Dehors, la vie est dure, Robert. Voir des grosses sommes, on a l'habitude, Robert. Les petits de la tête, ils claquent le bitume. Voldemort. Sache que le n'a rien à peur. Je ne baisse les yeux que devant mon père. Il me regarde et pense que j'ai changé. Mais mes jambes tremblent toujours quand je vois des perles. Du son pour les meilleurs. Tout le monde a des meurs, meurs. On respecte tout le monde. La parole d'un homme vaut mieux que les dollars, dollars. Je suis de ceux qu'on les crocs. T'inquiète pas pour le bis, on est pro. Je m'en sens pas sans le trône. Frère, dans mon équipe, on est trop. Bande de salopes. Les vrais de la rue, moi qui les représente. Salope, fini les bagarres, fini les descentes. Salope, salope, faut des millions avant qu'on nous enterre. Les rappeurs sont mignons, mais le sait commenter. Bande de salope. Je vais leur donner la carte de la vieillesse. Salope. La rue m'a pris mon cœur, niqué ma jeunesse. Salope, salope. Dans les enfers, j'ai ma place en attente. Bande de salope. En attendant, faut qu'on parle de la tête.